Yeah, man. So we love it. Comme ça. Alors, il y a un petit bédo aussi qui est venu nous donner un petit son. Il est où? Yes, sir. Redeem. Demande to redeem. Yo famo cas roule qui ca joué outil en sang ca boulé mon même ca chanté pour mon content l'homme ca mettez mon corps aïe mon corps merci mon dieu respect c'est la vie yo famo cas roule qui ca joué outil en sang ca boulé mon même ca chanté low play low tu savais pour qui ça toi ouais listen nous pas besoin d'énerver nous corps. Parce qu'en Palestine, c'est bon, ma cape était plus fort. Prends soin, dit au corps, qu'est-ce plus fort. Pas oublier ça qui jamais mort. Pas oublier ça qui 4 ans mis d'erreur. Parce que la vie arrête. La vie arrête. Quand on a mon cape était mon corps, aïe, pour la remercier, bon Dieu. C'est la fille, aïe, mon mot. Yao, yao, yao, yao, tu savais, Ton peut pas laisser ton plat d'arrêter d'ailleurs. Même ton plat d'a pas peut mettre ton d'ailleurs. Pe y'a qu'à lever, bon bah qui pète. Pour nous toujours être solidaires, pour nous pas mis sous maquet. Ton peut pas laisser ton plat d'arrêter d'ailleurs. Même ton plat d'a pas peut mettre ton d'ailleurs. Pe y'a qu'à lever, bon bah qui pète. Pour nous toujours être solidaires, pour nous pas mis sous maquet. Les jours pour caprier, tcha trop problème au fond modèle. Dans un système à m'obliger, ma réponse. L'autre jour pour sauter, pour pas même prendre ticket au fond RERI, qu'elle prend son café la tête. T'en peux pas juger mon, mais y'a d'autres monde qui a abusé pendant Toto Catrime. Donc ça joue à mon pas même sauter, mon sens. Mais l'homme le fait mon tête, pour un qui a des mots bon plat. T'en peux pas laisser ton plat d'arrêter derrière. Même ton plat d'a pas fait mettre ton derrière. Mais y'a qu'à lever, bon bah qui pété. C'est la CIA qui a fait mouvoir ses combats. Tu y as dénouillé. C'est la CIA et tout ça, ça veut dire qui barre. C'est la CIA qui a Rastafari. Hey, hey. C'est la CIA qui a remonté mon moral. C'est la CIA qui a fait mouvoir ses combats. C'est la CIA et tout ça, ça veut dire qui barre. C'est la CIA toujours obé. Pour faire ton montée, tout j'en savais si tout est là, tout qu'à parler, mais pour baiser. Babylone, il faut qu'il puisse cagater. Des cagades, tout fait, tout en fait, gagner, tout prier, tout bien élevé. Tout savait, tout pas pété, respecté. Papa, mon Dieu, qui mettait tout à tout ça la terre. Papa, mon Dieu, qui mettait tout à tout ça la terre. C'est la CIA, tout j'en savais à l'Ikibane. C'est la CIA, c'est la CIA qui t'a remonté mon moral. C'est la CIA, tout j'en savais à l'Ikibane. C'est la CIA qui t'a fait mon bon, c'est comme balle. Right. La CIA, il m'a dit, tu j'en connais déjà. Quand on a croisé une petite femme guyanaise, mon bleu John m'a dit, il faut mettre ton corps à l'aise. Femme guyanaise a des femmes qui get jazz. Gâté ghetto, wet, mais pas moyen ghetto l'homme. Niveau de l'homme, c'est femme à connaître Jacobin. Si tu fais couillon, que bon, on va faire tout plein. Guyanese, mon gamin, mon Guyanese. Joe, hey yo, we're Chinese. Oh, why, oh, why? Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Mettez mon corps, aïe, mon corps, remercie, bon Dieu, respecte cela, si y'a yo bon mot. Kaz, ou reggae, ka joué, ou silence, on ka boule, mon même ka chanté. Toué, moune mou tja, y'a moi même qui la respecte, ma courrier, les hommes de terre. Toué, toué. Mou tja, y'a papi, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high king, j'ai un high